Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, à la semaine prochaine. Au départ de cette émission, il y a cette question posée par un auditeur. Que deviendrait Nicolas Martin s'il était projeté dans le passé, dans la préhistoire ou au Moyen-Âge? Survivrait-il aux microbes, aux virus, aux parasites ou aux bactéries du passé? Outre le fait que ma voix actuelle vous donne une réponse à la fois à cette question et à la réalité de voyage dans le temps, nous nous sommes penchés sur cette discipline qui étudie les pathogènes anciens à différentes étapes de l'histoire de l'humanité, la paléopathologie. Avec cette question, si faire parler les fossiles et l'ADN fossile est déjà compliqué, comment faire parler les paléobactéries ? Paléopathologie, il était une fois la maladie, c'est le programme virulent qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour partir sur les traces infimes des pathologies du passé et comprendre d'où elles viennent et comment elles ont été transmises à l'humanité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Le Bailly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Franche-Comté, créateur d'un groupe de recherche en paléoparasitologie au laboratoire Chrono Environnement. Et nous sommes en ligne avec Olivier Dutour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études de l'Université Paris Sciences et Lettres, titulaire de la chaire d'anthropologie biologique Paul Broca et paléopathologiste au laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux. Mais avant cela, c'est grâce à elle que la maladie recule et que la connaissance progresse. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une nouvelle étude parue dans Sleep Medicine Reviews. La luminothérapie serait aussi efficace que les antidépresseurs pour traiter la dépression. On sait que la luminothérapie est très efficace pour soigner les dépressions saisonnières. C'est connu depuis la première étude en 1984, parce que cela vient lutter contre la baisse de luminosité. Mais ce traitement reste sous-estimé. Une équipe du CHU de Strasbourg vient de publier une méta-étude. Elle a regroupé l'ensemble des essais disponibles dans la littérature scientifique, qui concerne environ 400 participants, et qui compare les effets de la luminothérapie et ceux des antidépresseurs pour traiter les dépressions sévères. Ils ont aussi regardé quels étaient les effets de la combinaison des deux. En psychiatrie, en France, les habitudes sont très médicamenteuses, mais ce travail montre de nouvelles preuves scientifiques de l'efficacité de la luminothérapie. Le psychiatre et neuroscientifique Pierre-Alexis Geoffroy a mené cette étude. Si on compare luminothérapie donc versus antidépresseurs, notre étude ne montre pas de supériorité d'un traitement par rapport à l'autre. Donc déjà, c'est une première information qui est hyper importante. Aucun des deux traitements n'est supérieur l'un par rapport à l'autre. La deuxième info qui est importante qu'on a pu observer, c'est que la combinaison luminothérapie plus antidépresseurs était significativement supérieure à la monothérapie seule antidépresseur. Ça, c'est une info qui est très utile sur le plan clinique parce que ça invite les médecins face à une dépression qui serait sévère de prescrire d'emblée les deux thérapies pour avoir un meilleur effet, être plus efficace. Et l'autre information aussi, on a fait une analyse de ce qu'on appelle en sous-groupe, c'est-à-dire chez des patients qui n'avaient que des dépressions non saisonnières. Et on montre que la bithérapie est aussi plus efficace chez les patients qui ont une dépression qu'on dit non saisonnière. Ce que suggèrent en tout cas vos travaux, c'est que l'option thérapeutique de la luminothérapie pourrait être une option de première ligne. Absolument, c'est tout à fait ça. Ce qu'on espère finalement pour la suite, c'est on pense à la luminothérapie en première ligne et pas seulement en seconde ligne. C'est un traitement qui est efficace, qui a démontré son efficacité. C'est au moins, on va dire, un outil supplémentaire dans la boîte à outils des médecins. Il n'y a pas que la réponse médicamenteuse antidépresseur classique. Pensez à cette bithérapie d'emblée, parce que ça marche mieux que l'antidépresseur seul. Mais hors dehors de ce trouble affectif saisonnier, dans la dépression donc non saisonnière, la luminothérapie n'était pas vraiment une stratégie utilisée. Et il faut que ça change, ou en tout cas il faut que ça soit un des outils disponibles auxquels les médecins pensent, parce qu'il y a un niveau de preuve scientifique. Et on passe au bref du jour. Une étude parue dans Nature Medicine décrit le cas d'une patiente naturellement immunisée à la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'une Colombienne âgée de 73 ans, issue d'une famille touchée par la maladie. Les chercheurs de Harvard ont mené plusieurs examens pour comprendre comment elle y avait échappé pendant des décennies. Elle présente un niveau élevé de dépôt de bêta-amyloïde dans le cerveau, l'une des signatures clés de la maladie, mais elle ne présente aucun signe de démence. Ils ont aussi découvert que la patiente est porteuse d'une mutation du gène APOE3. Un gène connu pour être un facteur de risque de la maladie. Rien ne dit que ce soit cette seule mutation qui l'a protégée, mais c'est une nouvelle piste thérapeutique. L'étude reconnaît qu'il faut poursuivre les recherches pour confirmer l'impact de cette mutation. Et selon une prépublication sur le site PsyArchive, nous nous souvenons plus facilement de ce que nous mangeons plus que de toute autre chose. C'est la conclusion des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles. Notre mémoire gustative est supérieure à celle qui n'est pas liée au comportement alimentaire. L'équipe a mené une expérience sur près de 160 personnes. Ils devaient chacun manger 30 friandises tout en observant des symboles sur un écran. Puis ils devaient mémoriser ces symboles en utilisant des perles. Résultat, les participants se souviennent plus précisément du nombre de bonbons consommés que de tout le reste. Ce papier nous invite à repenser la façon dont notre mémoire fonctionne et de comment elle donne la priorité à certaines expériences. Merci beaucoup Natacha Triou. On vous retrouve demain pour le grand journal des sciences du vendredi. Puis comme d'habitude, toutes les études qui ont été citées dans le journal des sciences ainsi que plein d'autres études qui vont vous aider à comprendre et à compléter votre écoute de l'émission, ça retrouvé sur notre fil Twitter @laméthodefc ou sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Plus de la moitié, voire les deux tiers des pathogènes humains sont d'origine animale. Et ces pathogènes, nous les avons acquis, ils sont mutés lorsque nous sommes rapprochés des animaux, c'est-à-dire au moment de la domestication, de la sédentarisation et de l'apparition de l'agriculture au néolithique. Mais comment remonter à la source de ce qu'on appelle des anthropozoonoses? Quelles sont les traces fossiles, génétiques, morphologiques, qui permettent aujourd'hui de retracer l'histoire de ces maladies et leur apparition? L'une des pistes, l'un des canaux d'indice, ce sont bien évidemment les os, comme en atteste cette archive de 1976. Les premières maladies que l'on connaissait, bien sûr on ne peut connaître que les maladies qui ont laissé des traces sur les os, sur le squelette. Mais en dehors des traumatismes et des lésions purement osseuses, on connaît aussi certaines maladies comme certaines anémies qui peuvent laisser des traces sur les os. Et à ce moment-là, on peut avoir une idée de la maladie qu'avait cet individu. Je pense par exemple que la plus ancienne maladie que l'on connaisse a été diagnostiqué sur un pariétal découvert à Nice dans la grotte du Lazaret, sur le pariétal d'un enfant âgé de 9 ans, qui est vraisemblablement mort d'une tumeur du méninge, d'une maladie que l'on appelle actuellement un méningiome. Il s'agit d'une tumeur qui va entraîner des perforations au niveau de l'os du crâne, qui va même entraîner des déviations des rameaux vasculaires de l'endocrâne. Et sur la face externe de l'os, on observe des excroissances osseuses. Et si on compare ces lésions avec des lésions actuelles de méningiome, on constate qu'elles sont tout à fait identiques. Nous avons fait l'expérience avec un malade actuel qui était hospitalisé d'ailleurs à Nice. Voilà la paléoanthropologue Marie-Antoinette de Lumley dans Interactualité le 18 septembre 1976. Olivier Dutour, c'est le plus simple des cas quand on a des traces directement fossiles sur les os que l'on retrouve sur les sites de fouilles. Oui, tout à fait. Enfin, simple et compliqué parce que effectivement, donc, on peut avoir des traces directement visibles sur les squelettes, mais encore faut-il les interpréter. Donc ça, c'est toute la difficulté du diagnostic paléopathologique qui va de plus en plus s'entourer de nouvelles méthodes. Alors, je voulais juste rebondir sur a dit Marie-Antoinette de Lumley, qui était certainement vrai au moment où elle l'a prononcé, qui le devient moins maintenant parce que on est capable, avec les progrès de la biologie moléculaire, et notamment pour la pathologie infectieuse, de dépister des pathogènes, des infections, des bactéries, des virus, qui ne laissent pas de traces sur les os en les identifiant à partir des restes osseux ou dentaires. Donc ça, c'est un progrès technique qui s'est développé à la fin des années 90, donc bien après cette intervention. Mathieu Le Bailly, votre réaction à cette archive? Alors, travaillant sur les parasites, essentiellement les parasites digestifs, ces parasites-là ne laissent pas de traces sur les ossements et du coup, on est loin de cette approche-là et il faut adopter évidemment d'autres types d'approches. Celle que l'on adopte nous dépend des marqueurs des parasites digestifs que l'on recherche et ça peut aller de la microscopie simple jusqu'à la biologie moléculaire comme vient de l'évoquer Olivier Dutour. Alors on reviendra évidemment tout à l'heure sur toutes ces techniques qui permettent de remonter, de comprendre, de faire une sorte de diagnostic, de paléodiagnostic des maladies, des registres fossiles que l'on découvre. Aujourd'hui, il est établi complètement, Mathieu Le Bailly, que la plupart de nos affections contemporaines viennent de la sédentarisation, en tout cas qu'on peut en trouver un noyau de contamination au moment de la sédentarisation et du rapprochement avec les animaux d'élevage. Alors ça fait partie d'un postulat qui est somme toute logique. On imagine bien ces populations humaines qui s'installent dans des points géographiques d'intérêt, qui s'entourent de toutes les ressources dont ils ont besoin, dont des ressources animales qu'ils domestiquent. Et donc cette concentration d'animaux, l'homme compris, fait qu'on a potentiellement, chacun avec leur maladie, on a potentiellement des échanges de parasitose entre l'animal et puis et l'homme. Et effectivement, ça amplifie la quantité de pathogènes chez l'un comme chez l'autre. Mmh. Olivier Dutour, il y a vraiment aujourd'hui très clairement, il est établi en paléopathologie qu'il y a un avant et un après la sédentarisation. Oui et non. C'est-à-dire que je voudrais un petit peu tempérer la responsabilité absolue du néolithique dans le franchissement de la barrière d'espèce, c'est-à-dire le passage d'un pathogène animal à un hôte humain. Et ça s'est passé avant. Hein. Alors c'est sûr que le néolithique a beaucoup accéléré les choses, parce qu'il y a eu effectivement des concentrations de population avec une démographie qui s'est accrue et qui a donc offert aux pathogènes un terrain beaucoup plus large. Les pathogènes animaux et puis donc le fait de mettre cohabitation des différentes espèces animales qui n'étaient pas naturellement en cohabitation étroite. Donc le néolithique effectivement est une étape importante, mais il s'est passé des choses avant au paléolithique aussi et il y a un certain nombre de bactéries ou de virus qui ont été acquis par des hominines plus anciens comme les Homo erectus ou les Australopithèques par exemple. Est-ce qu'on peut parler de coévolution dans le cas de justement de ce rapprochement, de cette cohabitation avec les animaux, et on va voir effectivement que tout ne se passe pas que néolithique, mais qu'à partir du moment où finalement les humains se sédentarisent et vivent au quotidien avec des populations animales domestiquées, eh bien ces pathogènes-là, qu'il s'agisse de virus, de parasites, de bactéries, coévoluent avec nous pour nous accompagner quasiment jusqu'à aujourd'hui, Olivier Dutour. Complètement, on est effectivement dans cette illustration d'un partage d'hôtes, d'un partage de pathogènes dans cette relation entre les hôtes et les pathogènes, où on a effectivement une adaptation mutuelle, c'est-à-dire que de plus en plus, conceptuellement, il y a quelques années, on considérait la relation hôte-pathogène au singulier. Maintenant, il faut la considérer de façon plurielle parce que il y a des partages donc d'hôtes de pathogènes qui font que plusieurs pathogènes coexistent à l'intérieur d'un même hôte. Ou inversement, donc que plusieurs hôtes partagent le même pathogène, et donc ça génère nécessairement, dans une perspective darwinienne, des adaptations de l'un et de l'autre. C'est ce que certains ont défini sous le nom de la course aux armements. Mathieu Le Bailly, la course aux armements, c'est une drôle de terminologie. Oui, mais c'est la réalité parce que certains parasites ont des cycles biologiques très complexes qui induisent même parfois des modifications comportementales des hôtes intermédiaires pour rejoindre leur hôte définitif. Quand on a des cas comme ça, on est vraiment dans cette course aux armements où on a un parasite, un pathogène qui s'adapte ou qui adapte son cycle biologique afin de rejoindre son but ultime, l'hôte définitif, et continuer son cycle biologique. Vous pensez quoi, la toxoplasmose par exemple ? La toxoplasmose est un exemple. Il y a également des exemples chez les vers digestifs que j'étudie en particulier. On connaît bien le cas de la petite douve du foie qui est un qui est un petit ver plat qui, lorsqu'il passe par un de ses hôtes intermédiaires, qui est une fourmi, eh bien, modifie le comportement naturel de cet animal, la fait être attirée par la lumière, et toute la journée, cette fourmi passe sa journée entière sur le haut des brins d'herbe, attendant finalement de se faire manger par l'hôte définitif, qui est le mouton, qui vient faire son repas normal. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons aujourd'hui de paléopathologie, c'est-à-dire finalement de l'apparition des pathologies à l'époque, non pas paléolithique, mais en tout cas à l'époque préhistorique, et de voir comment ces pathologies se sont adaptées à l'homme, par où et par quels canaux elles sont passées. Et on l'a entendu, ces canaux sont beaucoup liés à la sédentarisation et à la cohabitation avec des animaux qui commencent à être domestiqués. Nous en parlons avec Mathieu Lebailly, avec Olivier Dutour qui est en ligne avec nous. Peut-être un mot d'ailleurs un peu sur cette terminologie, sur cette science, Olivier Dutour. Depuis quand est-ce qu'on parle de paléopathologie? Et c'est une science assez récente. Alors oui, c'est une science qui a eu un nom de façon relativement récente, mais qui était déjà pratiquée dans des périodes beaucoup plus anciennes, c'est-à-dire que déjà au XVIe et au XVIIe, on retrouve des traces d'intérêt de pathologie sur des restes animaux ou humains. Avant donc que la paléopathologie reçoive son nom de baptême. Alors cette dénomination, elle s'est faite en deux étapes indépendantes. C'est un Américain qui était à la fois médecin et ornithologiste qui s'appelait Schufeld, qui a un petit peu inventé ce terme par hasard pour parler de pathologie d'oiseaux, d'espèces d'oiseaux américaines disparues. C'est un tout petit papier qui n'a pas apporté grand-chose au plan conceptuel, mais le véritable inventeur de la paléopathologie en tant que discipline, c'était Marc Armand Ruffer, que les Anglais revendiquent pour eux, parce qu'effectivement, il était britannique et il était anobli par le roi George V, mais il est né à Lyon. Et donc, ça a été le premier élève de Louis Pasteur, et on peut aussi en France se revendiquer de son invention de cette discipline. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? 1913, pour ma définition. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Qu'est-ce qu'on cherche exactement, Mathieu Lebailly, en fait? Parce que on le dit, alors on a parlé des os, et puis on reviendra vraiment un peu tout à l'heure dans le détail sur les différentes techniques d'investigation. Mais en fait, on sait à quel point le registre fossile est parfois avare d'indices. On sait que l'ADN est souvent difficilement exploitable. Du coup, comment est-ce que, à la recherche de quoi on part quand on est paléoparasitologue comme vous? Alors, quand on fait de la paléoparasitologie, on étudie les parasites dans leur définition médicale ou vétérinaire, c'est-à-dire qu'on va étudier soit des vers digestifs, soit des unicellulaires parasites, soit tout simplement... Des amibozoaires ou des choses comme ça? Oui, c'est ça, par exemple. Soit encore des arthropodes ectoparasites. Voilà, ça, c'est les trois, on va dire, grands groupes de parasites qu'on retrouve dans des livres de parasitologie médicale ou vétérinaire. Et donc c'est là-dessus que le paléoparasitologue travaille essentiellement. Et puis depuis que la paléoparasitologie a été développée dans les années 70, l'essentiel du travail est orienté vers les parasites digestifs. Donc soit des vers du type ténia, ascaris, douve, soit des unicellulaires comme je vous l'ai dit. Et à ce moment-là, quand on travaille sur ces parasites, on a plusieurs catégories de marqueurs possibles qui font appel à des outils différents et à des techniques d'extraction ou de mise en évidence qui sont différentes. Ça peut être de la microscopie, ça peut être des techniques de biologie moléculaire, des techniques d'immunologie, ça peut également être de l'imagerie médicale, dans quelques cas rares. Voilà, donc tout dépend de ce que l'on recherche et de comment on va le mettre en évidence. Mmh. Évidemment, l'idéal, ce serait de pouvoir combiner toutes ces approches différentes, que ce soit par microscopie, que ce soit par biologie moléculaire, afin d'avoir une image la plus complète possible de ce que l'on peut retrouver. On n'en est pas encore tout à fait à ce niveau-là, parce que effectivement, la recherche, entre autres, d'ADN ancien, c'est quelque chose de très compliqué, qui met du temps à se développer, qui a besoin de mise au point technique très, très lourde, et du coup des coûts financiers qui sont importants aussi. Donc, mais on y arrive petit à petit, et dans quelques années, on sera à même de faire des études compilées, complètes, dans ce domaine. Sur un site de fouilles, par exemple, qu'est-ce qui vous intéresse au premier chef ? Alors, ce qui m'intéresse personnellement, ce sont donc les parasites digestifs. Mmh. Et donc, je vais rechercher sur un site archéologique où les archéologues avec qui je suis en contact recherchent toutes les zones dans lesquelles on peut imaginer avoir des restes intestinaux ou des restes de production intestinale. Donc ça veut dire qu'on peut aller chercher directement à la source, sur des squelettes humains ou des squelettes animaux. À ce moment-là, on va faire un prélèvement de terre au niveau de la zone abdominale, là où étaient les intestins et là où ils se sont a priori dégradés. On peut également aller rechercher du matériel au niveau des zones d'accumulation de matière fécale, puisqu'on est dans les intestins, donc les parasites sont évacués avec les excréments. Donc toutes les zones de concentration en matière excrémentielle sont des zones d'échantillonnage potentiel. Mmh. Olivier Dutour, quand on travaille en paléopathologie plus large et qu'on n'est pas juste orienté justement sur ces vers intestinaux, qu'est-ce qu'on cherche sur un site de fouilles ? Ben, on cherche pas mal d'éléments. Le gros intérêt pour la paléopathologie, c'est d'être aussi présente sur la fouille. C'est-à-dire que le paléopathologiste n'est pas simplement quelqu'un qui va recueillir sur place des échantillons. Il peut le faire, hein, bien entendu, comme pour la paléoparasitologie, où il s'agit de recueillir du sédiment pour retrouver effectivement des traces de parasites digestifs. Il est aussi possible, de la même façon, en paléopathologie, de aussi travailler sur le sédiment. C'est un peu plus nouveau, ça n'est pas encore complètement au point, mais grâce à la biologie moléculaire, qui maintenant est capable d'identifier de l'ADN néandertalien, par exemple, sans néandertalien, mais uniquement dans les sites où les néandertaliens ont vécu, et donc ils ont transféré leur ADN dans leur environnement, certains pathogènes peuvent aussi se retrouver dans les sédiments. En dehors de cela, le paléopathologiste donc a un rôle d'observation sur le terrain, sur la fouille, parce que certaines positions du squelette sont liées à des pathologies. Et si le paléopathologiste n'est pas là pour les observer, ces positions, bien entendu, vont disparaître au moment du prélèvement du squelette. Vous pensez à quoi, par exemple ? Oh, ben, par exemple, des paralysies, j'ai un exemple en tête, c'est celui d'une paralysie ulnaire, liée à une fracture au niveau du coude chez une femme mésolithique qui a été décrite par Henri Ludet. Et donc, il a pu observer la position des doigts, et cette position des doigts donc était une griffe dite cubitale qu'on connaît en médecine pour être liée à la paralysie du nerf. Et effectivement, la fracture qui était visible sur les ossements était responsable de cette paralysie qui n'était donc détectable seulement sur le terrain. On peut aussi observer en paléopathologie des calcifications pathologiques. Il est très important de savoir où elles sont. Au niveau du cou, au niveau de la cavité thoracique, au niveau de la cavité pelvienne, parce que donc les organes qui se calcifient, effectivement, une topographie différente qu'il est important de noter au moment de la fouille. Alors, on reviendra certainement un peu sur la finesse, hein, parce qu'on entend bien, et pour faire souvent de la paléontologie, de la paléanthropologie ici, on sait à quel point ces traces-là sont des traces ténues et à quel point vous avez certainement devoir fouiller même une micro-aiguille, que dis-je ? C'est même pas une micro-aiguille dans une botte de foin, c'est une micro-aiguille à la surface d'une planète. Je ne sais pas, vous me direz ça peut-être tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que dans le registre fossile, on sait aussi que plus on recule, moins on a de traces, moins on a de traces, plus on est obligé d'inférer, plus c'est compliqué. Pourquoi est-ce que c'est difficile de remonter, de faire des travaux de paléopathologie au-delà du néolithique ? Pourquoi est-ce que le néolithique marque tout de même une sorte de frontière de recherche qu'il est difficile de dépasser, Olivier Dutour ? Alors, on peut la dépasser, hein, parce que la paléopathologie est par définition complètement diachronique, et le passé pour le paléopathologiste n'a pour limite que le matériel disponible. Alors effectivement, le néolithique est une période de révolution démographique, et quelque part, cette période fournit bien entendu plus de restes humains que les périodes précédentes où la démographie et les populations humaines étaient considérablement plus réduites. Cela dit, les méthodes d'observation de la paléopathologie peuvent, en tout cas pour les méthodes morphologiques, s'appliquer sans limite de temps. Hein. J'ai un collègue américain qui travaille sur la paléopathologie des dinosaures. Donc, on est bien loin du néolithique et il trouve des choses qui sont parfois anecdotiques, parfois tout à fait intéressantes. L'autre limite, puisqu'on a beaucoup parlé d'ADN, effectivement, les travaux sur la paléogénétique sont liés à la conservation de l'ADN, donc limités dans le temps. Donc voilà un petit peu ma réponse sur cette barrière du temps qui n'est pas complètement absolue pour la paléopathologie. Mathieu Le Baillif, sur cette question. Oui, mais c'est à peu près la même réponse que celle que vient de faire Olivier Dutour, à savoir que pour ce qui est des marqueurs de présence de parasites digestifs, entre autres, au-delà de la période néolithique, on est confronté à une relative diminution du nombre de sites sur lesquels on va pouvoir obtenir du matériel, enfin desquels on va pouvoir obtenir du matériel, et puis se pose également le problème de la conservation, là aussi, des marqueurs de présence des parasites qui sont alors soit des œufs produits par les vers adultes quand ils sont dans le tube digestif qu'ils se reproduisent, bah ces œufs, si on n'a pas la chance qu'ils se conservent par minéralisation, bah on peut ne pas les retrouver. Et même au-delà, on n'est pas encore sûr de les retrouver. Et puis, du coup, donc cette rareté du matériel. Alors aujourd'hui, l'ensemble des instruments qui sont à votre disposition permettent tout de même de répartir ou de classifier les pathogènes humains en plusieurs grandes catégories en fonction de leur ancienneté, c'est-à-dire que on sait que il y a des contaminations qui sont antérieures au néolithique, on sait à peu près quelles sont les contaminations et pourquoi il y a une sorte, et là je parle avec tous les guillemets et sous votre contrôle à l'un à l'autre, mais une sorte de boom ou d'explosion des diversifications de ces contaminations au moment du néolithique et au moment de la domestication. Olivier Dutour, par exemple, on sait que les herpès, les bacilles tuberculeux, etc. sont des pathogènes qui sont antérieurs au néolithique. Oui, en tout cas c'est ce qui se... C'est ce qui s'est pensé et ce qui s'est dit. Donc il y a une controverse actuelle sur l'ancienneté de la tuberculose. Mmh. Mais il y a effectivement quelques virus, notamment les herpès virus ou les rétrovirus de type HTLV qui ont été acquis par les ancêtres humains bien avant le néolithique. Comment est-ce qu'on sait ça? Comment est-ce qu'on arrive à retracer cette ancienneté-là? Alors là, on est plutôt dans la... on va dire dans la phylogénèse moléculaire, c'est-à-dire que l'étude actuelle des différentes souches d'un organisme pathogène, donc sa diversification, permet de remonter au moment où il s'est diversifié. Et avec le système d'horloge moléculaire, on peut arriver effectivement à faire des hypothèses sur l'ancienneté d'un processus de diversification qui va correspondre effectivement au saut d'espèces et à la transmission de l'animal à l'homme. Alors on va rester un peu parce que c'était le thème central de cette émission et pour se concentrer sur cette période du néolithique, de la domestication et de la sédentarisation, c'est-à-dire ce moment où un certain nombre de pathogènes et de parasites passent des animaux à l'espèce humaine. Première question peut-être toute simple mais toute bête, pourquoi, comment est-ce qu'un parasite, Mathieu Le Baillif, change d'espèce? Alors aujourd'hui, pour réfléchir à ce qui pouvait se passer dans le passé, dans les temps anciens, on n'a pas le choix que de réfléchir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour ce qui est des parasites digestifs, actuellement, les transmissions des parasitoses animales à l'homme, ou en tout cas le cycle de certains parasites, se fait par le biais de l'alimentation essentiellement, pour ce qui est des parasitoses digestives. Alors il y a également quelques cycles où les parasites se transmettent uniquement par voie environnementale, c'est-à-dire de la matière excrémentielle dans laquelle vont être mélangées des formes de dissémination, donc des œufs, qui polluent l'environnement proximal d'une population et accidentellement on réingère ces œufs ou on les inhale et du coup on a une contamination de toute manière qui se fait par voie orale. Mais je veux dire, ces parasites, en général, ça veut dire qu'ils sont pas spécifiques à une espèce, ça veut dire qu'ils ont une sorte d'écosystème relativement large et qu'ils peuvent passer, sauter d'une espèce à l'autre sans trop de difficultés? Alors, ça dépend des espèces de parasites. Il est des espèces de parasites qui sont très spécifiques d'une famille d'animal. On a par exemple les auxures, qui sont des vers tout à fait spécifiques, soit des hominidés, soit des équidés, par exemple. Et puis on a d'autres familles de vers, les douves par exemple, qui peuvent se développer assez facilement dans plusieurs espèces animales différentes, et puis également chez l'homme parfois. Voilà. Donc ça dépend de la spécificité de ces parasites. Olivier Dutour, comment ça se passe du côté plutôt des bactéries, des virus? Sur le franchissement de la barrière d'espèce, simplement, comment, voilà, pourquoi est-ce que des, le passage et le transfert, et surtout, pourquoi est-ce que, finalement, certaines bactéries qui contaminent des espèces animales, d'un seul coup, deviennent virulentes chez l'homme, alors qu'elles sont a priori bénignes, en fait? Comment ça se passe, cette bascule de virulence? Les circonstances, le hasard des circonstances, essentiellement, c'est une mauvaise rencontre, inhabituel, qui est lié à énormément de facteurs qui sont à la fois des facteurs historiques, des facteurs démographiques, des facteurs techniques, tout ce qui concerne par exemple la perturbation des écosystèmes, ce qu'on appelle l'anthropisation des milieux, le fait de coloniser des espaces qui avant n'étaient pas des espaces de peuplement humain. Donc des nouveaux territoires va mettre en relation des espèces qui ne l'étaient pas avant de façon fortuite et donc et bien déclencher des nouveaux échanges et notamment des échanges de pathogènes. Alors parlons justement, évoquons le cas de la tuberculose qui est un peu une sorte de cas d'école puisque là en l'occurrence il y a toute une controverse puisque la bactérie Mycobacterium, il y a deux versions, une tuberculosis humaine bovis pour les bovins, avec une grande controverse de savoir si effectivement c'est la domestication du bœuf et de la vache qui a induit du coup la tuberculose chez l'homme ou si c'est l'inverse. Et qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui exactement, Olivier Dutour? Alors, allez, c'est parti. Le scénario que vous décrivez était ce qu'on pensait jusqu'aux années 2000, c'est-à-dire que c'était un petit peu dogmatique et on disait que l'homme avait domestiqué les bovidés étaient tuberculeux depuis longtemps au paléolithique et que l'homme, avec cette domestication, avait attrapé la tuberculose et que donc la tuberculose humaine dérivée de la tuberculose bovine qui était la forme ancestrale. Dans les années, au milieu des années 2000, il y a une équipe de l'Institut Pasteur qui a complètement bouleversé cette conception classique et qui a dit c'est pas possible. Et ils ont dit c'est pas possible parce qu'ils ont analysé le polymorphisme génétique de ces, notamment de ces deux mycobactéries, de ces deux espèces. La tuberculosis, qui est, on va dire, spécifiquement humaine, mais enfin qui peut se transmettre aussi à d'autres espèces animales. On n'est pas avare pour contaminer avec nos bactéries les animaux, et inversement. Et puis le Mycobacterium bovis, comme vous l'avez dit, qui lui est la forme donc plutôt des bovidés, plutôt domestique, sachant qu'il y a d'autres espèces de mycobactéries qui atteignent les animaux sauvages, les bovidés sauvages. Et en fait, on s'est aperçu quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que l'ancêtre des deux n'était pas celui qu'on pense, et qu'en fait, le Mycobacterium tuberculosis, c'est-à-dire la bactérie humaine, était beaucoup plus ancestrale que la bactérie bovine, qui elle était beaucoup plus dérivée, donc génétiquement beaucoup plus jeune. Donc on a été obligé de repenser le scénario et de démettre l'hypothèse, et là encore c'est les chercheurs de l'Institut Pasteur, que en fait la forme la plus ancienne de tuberculose, elle était humaine, ou peut-être donc des hominidés et des hominines, donc bien avant le néolithique. La maman a la paix lorsque l'enfant s'endort, allongé parmi ses joujoux. La vache ne sait pas très bien quand le veau dort, car le veau dort toujours debout. Cela me fait penser au prix que le lait vaut, ce lait qui coule à bise ouverte, ce lait que les veaux têtent avec leur tête de veau avant de brouter les prés verts. Du beau, du bon, du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bon fromage. Du beau, du bon, du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bon fromage au lait. Eh oui, c'est simple, il fallait y penser. Hein. On fait du fromage avec ce bon lait. Eh oui. Oh, heureusement, sans ça, il serait perdu. Oh, ce serait bête. On fait du bon fromage au lait. On m'a dit qu'une vache broutait au Sahara et qu'elle ne buvait jamais d'eau. Moi, j'ai pensé, cette vache a un drôle d'estomac, ou alors c'est un vrai chameau. Je l'ai interviewée, elle m'a dit, oui, c'est vrai, j'avais un problème à résoudre. Étant une vache moderne, une bonne vache de progrès, je voulais faire du lait en poudre. Du beau, du bon, du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bon fromage. Du beau, du bon, du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bon fromage au lait. Et voilà. Si vous le saviez pas, ben maintenant vous le savez. C'est une chanson instructive et nutritive. Une chanson de consommation, quoi. On fait du bon fromage au lait. On fait du bon fromage au lait. Je fais la tierce en dessous, c'est joli. Hein. On fait du bon fromage au lait. On fait du bon fromage au lait. Et oui, on fait du bon fromage au lait avec Bourvil sur France Culture, puisque nous parlons tout au long de cette émission de paléopathologie et de la façon eh bien, dont les vaches, notamment, ont pu nous apporter un certain nombre de pathologies. On parlait de la tuberculose, on pourra parler des parasites. Nous en parlons avec Mathieu Le Bailly, qui est maître de conférence à l'Université de Franche-Comté, créateur d'un groupe de recherche en paléoparasitologie au laboratoire de chrono-environnement, et avec Olivier Dutour, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études de l'Université Paris Sciences et Lettres et paléopathologiste au laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux. Alors, on parlait de coévolution tout à l'heure des humains et d'un certain nombre de pathogènes. Un exemple de cette coévolution liée à la domestication nous vient de nos amis les chats. Et oui, depuis que ces adorables félins rôdent dans notre entourage, nous sommes peu ou prou tous contaminés par la toxoplasmose. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ce n'est pas vous et vos six chats qui diraient le contraire. Absolument aucun chat. Comment va Gaston? Très bien, il nous écoute et vous embrasse. Et pour parler donc de cette zoonose, la toxoplasmose, je suis allé à la rencontre d'Aurélien Mercier, qui est maître de conférence en parasitologie à l'université de Limoges, membre de l'unité INSERM neuroépidémiologie tropicale et membre du Centre national de référence de la toxoplasmose. Aurélien Mercier nous explique comment la toxoplasmose appartenant à la souche la plus fréquente sous nos latitudes est apparue il y a près de 10 000 ans. Il nous décrit aussi la grande diversité des souches de cette zoonose et comment elle s'adapte à des hôtes animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Au laboratoire, on travaille sur la diversité génétique du parasite. Et ce qu'on a pu observer, donc en isolant des souches à travers le monde, puisqu'on cherche à comparer un peu ces diversités génétiques, on s'est aperçu qu'il y avait un lien entre la diversité génétique et la virulence. Concernant donc les génotypes, ça va être la caractérisation génétique d'une souche du parasite, donc qui va se faire par des marqueurs génétiques. Donc, il existe différentes techniques et cette technique permet de classer les souches dans différentes catégories. Donc au départ, on a décrit trois grands archétypes qu'on appelle trois grands groupes génétiques qui sont les groupes 1, 2 et 3. sachant que le groupe 2, le type 2, est prédominant en France. Hein. On considère que plus de 80% des souches isolées en France sont de type 2. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type 2, dans les études qui ont été faites donc par notamment un certain nombre de nos collègues aux États-Unis, ils ont montré que ce type 2 aurait émergé il y a 10 000 ans, au moment du développement de l'agriculture, et notamment au niveau du croissant fertile. Et ce type 2 serait bien adapté donc à ses hôtes domestiques, donc l'homme, mais également tout ce qui est animaux domestiques, animaux de rente, sans provoquer d'infections symptomatiques. Ce type 2, à travers donc le développement de l'agriculture et plus largement de la société depuis 10 000 ans, a essaimé à travers le monde. Et donc actuellement, on va le retrouver donc dans toute l'Europe, mais également en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est. Donc là, on voit bien le lien avec le croissant fertile où s'est développée donc l'agriculture. Et également, l'homme l'a emmené avec lui dans ses voyages. Et donc, on le retrouve actuellement donc en Amérique du Nord. Et après, dans certaines zones où le milieu et les hôtes sont propices donc à son développement. Là où l'homme a développé des sociétés avec toujours le même type d'hôtes, donc animaux de rente, animaux domestiques, chats domestiques, chiens, etc. Sachant que l'humain, par exemple, n'est qu'un hôte intermédiaire, est-ce que le toxoplasme évolue en fonction de l'hôte intermédiaire ou en fonction de l'évolution de son hôte final, définitif ? Alors, le toxoplasme, justement, évolue en fonction de ses différents compartiments. L'hôte définitif va bien sûr jouer un rôle. Si je reprends donc là où on retrouve la plus grande diversité génétique du parasite en Amérique du Sud, en Amazonie, on va avoir 8 espèces de félidés qui vont vivre dans le même environnement et avec des niches écologiques, donc des territoires qui peuvent se superposer puisque ces félidés vont pas consommer les mêmes proies. Donc ils vont pouvoir avoir des territoires qui se chevauchent et donc excréter sur des territoires qu'ils partagent et donc avec un cycle du parasite qui va être plus important. Également une diversité génétique de ces hôtes, donc des réponses immunitaires et de tous les métabolismes qu'on peut imaginer et qui vont impacter du coup l'évolution du parasite. Également vous allez avoir la diversité des hôtes intermédiaires. Donc encore une fois en Amazonie, on a une diversité, c'est un hotspot de diversité, donc on va avoir une énorme diversité qui... on va avoir chacune des réponses immunitaires de chacun des hôtes intermédiaires qui peut jouer un rôle. Mais encore une fois, pas seulement le système immunitaire, également le métabolisme et plein d'autres choses. Et enfin, on va avoir l'environnement. L'environnement va jouer surtout sur la circulation du parasite. Mais par exemple, en Guyane française, donc là où ont été mis en évidence dans les années 2000 donc des formes de toxoplasmose sévères chez l'immunocompétent, avec même parfois des cas mortels en l'absence de traitement, on a montré que ces souches étaient issues du milieu sauvage, puisqu'il s'agissait souvent de patients qui avaient été en forêt, tels que des militaires ou des touristes qui ont été faire un tour en forêt, ont consommé de la viande peu cuite ou de l'eau souillée. Et ces personnes sont tombées malades et ont fait des formes sévères. Donc on s'est posé la question de qu'est-ce qui circulait sur la côte, puisqu'il faut savoir que 90% du territoire guyanais est recouvert de forêts. Et sur la côte, on s'est posé la question de quel type de souche pouvait circuler. Et donc ça, c'était au cours de ma thèse. On a été isoler des souches sur la bande côtière, donc au niveau de Cayenne, Kourou, ses alentours. Et on a mis en évidence donc, des souches qui ne sont pas du tout les souches qu'on trouve au milieu sauvage. Donc plutôt des souches importées des Caraïbes, importées des régions également du Brésil, donc en lien avec des échanges humains, et qui sont moins diversifiées, alors différentes des souches qu'on retrouve en France, mais moins diversifiées, et qui a priori, même si ça n'a pas encore été bien caractérisé, seraient responsables de formes moins graves chez l'homme. On a également montré qu'il y avait des possibilités donc, d'interpénétration de souches sauvages en milieu domestique, c'est-à-dire qu'il y a certaines souches qu'on a isolées donc, chez des chiens, chez des animaux sauvages mais vivant en milieu domestique, et qui présentaient des génotypes du type sauvage. Donc là, on a montré qu'il y avait une possibilité tout de même de circulation des souches d'un milieu à l'autre. Mais donc là, on voit bien l'impact de l'homme donc au travers de l'importation de souches de la région, mais également avec les contacts qui sont de plus en plus importants entre le milieu sauvage et le milieu domestique, des possibilités donc de circulation de pathogènes. Enfin, là, je parle de toxoplasmose, mais après, on peut généraliser à d'autres pathogènes. Et lorsqu'on voit les feux, on a parlé cet été des incendies en Amazonie, on peut imaginer que justement, à ces frontières entre les champs, puisque ces incendies étaient faits plutôt pour développement agricole, on va retrouver donc la forêt juste à proximité, des élevages d'animaux qui peuvent pâturer, et qui vont être en contact avec des jaguars qui, eux, vont venir se nourrir de ces animaux. Et du coup, la possibilité donc, de circulation de souches du milieu sauvage vers le milieu domestique et inversement. Voilà ce reportage du jour autour de la diffusion de la toxoplasmose suite à la domestication. Alors, est-on vraiment domestiqué les chats? C'est un débat que nous n'aurons pas aujourd'hui. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Mathilde Bailly. Bon, alors le toxoplasme, c'est un parasite sur lequel je ne travaille pas parce qu'il ne fait pas partie des parasites sur lesquels je peux être amené à travailler avec le type de matériel archéologique sur lequel je travaille. En revanche, pour la petite anecdote, il y a quelques années, nous avons eu, lorsque j'étais au laboratoire de paléoparasitologie de Reims, qui était le premier laboratoire dans cette discipline montée en France par Françoise Boucher, qui était une des précurseurs dans ce domaine, nous avons eu entre les mains du matériel archéologique provenant d'un chat domestique retrouvé sur l'île de Chypre par une équipe CNRS du muséum dirigée à l'époque par Jean-Denis Vigne. On a testé ces échantillons dans le cadre d'une analyse immunologique et puis on n'a pas retrouvé la trace de ce parasite-là. Alors est-ce que c'était un faux négatif ou est-ce que le parasite était absent? On n'aura pas la réponse. Mais en tout cas, voilà, c'était... pour dire qu'on a eu l'occasion un petit peu d'essayer de tester quelque chose sur ce parasite, mais bon, on travaille pas dessus de manière, en tout cas pas moi, de manière courante. Olivier Dutour, sur une réaction à ce reportage. C'est très intéressant parce que ça illustre tout à fait le discours qu'on vient d'avoir et qui montre finalement qu'à partir de l'étude d'un pathogène, bon, en l'occurrence ici la toxoplasmose, on arrive à avoir des hypothèses et à déduire des conclusions sur l'évolution de l'homme, sur sa culture, sur ses relations avec d'autres espèces animales et notamment le chat. Très probablement, donc, le toxoplasme a contaminé les populations humaines à partir du moment où l'homme a trouvé que ce petit félidé nord-africain, qui est l'ancêtre du chat domestique, était intéressant pour lui parce que comme il commençait à stocker des graines et des céréales, s'est aussi entouré de commensaux et notamment la souris. Et il s'est aperçu que c'était utile finalement d'avoir un petit félin nocturne, contrairement au chat sauvage d'Europe qui lui est diurne. Donc c'est pour ça que vos chats domestiques dorment toute la journée et se réveillent la nuit. C'est l'héritage donc de ce petit félin sauvage nord-africain, c'était intéressant d'avoir ce chat pour se débarrasser des souris. Donc ça, c'est une reconstitution à partir d'un pathogène, d'un comportement humain. Et puis on arrive aussi, comme il a été dit dans le reportage, finalement à tracer des souches et à tracer l'histoire de ces souches et cette navette entre le sauvage et le domestique via un certain nombre d'espèces. Et puis ces déplacements humains... dans le cas présent, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, de migration de population qui migrent avec leurs pathogènes. J'aimerais qu'on parle un peu, Mathieu Le Bailly, aujourd'hui de la production en paléoparasitologie. Je pense notamment à cette étude de 2003 sur la présence de Fasciola hepatica, la grande douve du foie, sur un site néolithique de Karlsdorf en Allemagne. Aujourd'hui, que nous enseigne en fait cette discipline de paléoparasitologie? Comment est-ce qu'elle nous permet finalement de comprendre mieux la structure, l'organisation sociale de ces communautés-là? Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre finalement mieux de l'évolution de l'espèce et du genre et de ces communautés du néolithique? Alors, le cas que vous évoquez, cette étude, c'est une des rares études qui avait permis de mettre en évidence un même parasite à la fois chez l'homme et chez l'animal. Prouvant qu'il y avait un échange et un développement possible. Bon, ça, on le sait. On sait très bien que la fasciolose, à Fasciola hepatica, se développe parfaitement bien chez l'homme. Et chez les bovins. Et donc voilà, c'est une des rares études encore aujourd'hui qui a permis de montrer cet échange effectif. Maintenant, la paléoparasitologie, aujourd'hui, ce qu'elle apporte, c'est essentiellement des réponses à des questions archéologiques. Déjà, parce que en étudiant les parasites digestifs, du coup, on a beaucoup de réponses à des questions archéologiques qui vont traiter du mode de vie des populations, qu'elles soient humaines ou animales. de leur état de santé, entre guillemets, parce que quand on retrouve des traces de parasites, ben on sait que le parasite est nécessairement présent dans les intestins. Maintenant, l'effet du parasite, la présence du parasite chez l'hôte n'implique pas nécessairement des symptômes graves ressentis. Voilà, on peut très bien héberger aujourd'hui un ténia pendant 15 ans sans réellement avoir de symptômes suffisamment importants pour réagir. Voilà. En revanche, au niveau archéologique, on a aussi des informations sur le niveau d'hygiène d'une population. Alors, on imagine bien que même 100 ans en arrière, on n'a pas du tout la même hygiène qu'aujourd'hui. Et c'est encore évidemment plus marqué sur les époques précédentes. On a des informations sur l'alimentation, un petit peu quand même, sur l'évolution de l'alimentation, avec certains parasites qui sont effectivement liés à la consommation de certaines ressources. Alors ça peut être des ressources liées à la pêche ou des ressources liées à l'élevage. Puis qui parfois on voit varier les parasitoses qui montrent qu'on a parfois des changements dans le temps dans l'alimentation avec des populations qui sont un petit peu plus qui s'alimentent un petit peu plus par les produits de la pêche et puis à un moment donné on a des basculements vers des produits de l'élevage. Et puis ce qu'on arrive à faire aujourd'hui dans certains sites archéologiques c'est cartographier les parasitoses. On cartographie les parasitoses ou les zones de concentration en certains parasites. Et ça donne des réponses à l'archéologue sur l'organisation des sites d'habitat. Ça, c'est des choses qui l'intéressent. Alors ça, c'est pour les questions archéologiques. Il y a quand même une volonté des paléoparasitologues à essayer de répondre aussi à des questions d'ordre parasitologique, à savoir comment ont évolué ces maladies parasitaires, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal ou chez les deux. Alors aujourd'hui, on n'en est pas sur une évolution, on n'en est pas encore à réussir à retracer la coévolution entre les hôtes et le parasite, parce qu'on travaille pas sur des périodes ou sur des temps qui sont suffisamment longs pour pouvoir faire ça d'un point de vue génétique. Et en plus de ça, on a ce problème encore aujourd'hui en paléoparasitologie de ne pas avoir suffisamment de données génétiques sur les parasites anciens. On en est aujourd'hui à essayer de retracer l'histoire chronogéographique des maladies. C'est-à-dire à quel moment, comment les parasites se déplacent au cours du temps. Alors on arrive à retracer quelques petits scénarios sur certains parasites, parfois des parasites d'intérêt. Il y a pas très longtemps, on a travaillé sur une amibe intestinale, qui est une amibe pathogène de l'homme. On a réussi à commencer à retracer son histoire sur les 6 derniers millénaires en utilisant de l'immunologie. Par exemple, des kits immunologiques qui sont des kits utilisés dans le domaine médical. On a utilisé ces mêmes kits pour tester des échantillons archéologiques et on arrive à retracer comme ça des histoires, à savoir que pour cet exemple-là de l'amibe pathogène humaine, le postulat historique était de dire qu'elle avait été ramenée en Europe par les colons du 15e siècle qui reviennent du continent américain. En fait, c'est l'inverse. Cette parasitose, elle semble avoir... En tout cas, les traces les plus anciennes sont européennes, a priori, et c'est les Européens qui ont transféré ce parasite, non pas au 15e d'ailleurs, mais quelques siècles avant, a priori autour du 12e siècle de notre ère. Bon, voilà. Donc c'est aujourd'hui ce que l'on arrive à faire avec les parasites digestifs. En tout cas. Là, on est dans l'ère historique, donc on a accès à beaucoup plus de ressources qu'à l'ère préhistorique, évidemment. Ouais. Olivier Dutour, j'ai une question tout de même, parce que évidemment, on entend bien que en paléopathologie, en paléoparasitologie, on l'a dit, hein, le registre fossile est très, on va dire, économe pour utiliser une sorte de litote, ou en tout cas qu'il y a vraiment très très peu de marqueurs. Est-ce qu'il n'y a pas un péril à un moment donné de faux diagnostics en quelque sorte, ou en tout cas de fausses interprétations de pseudopathologie ou de variabilité anatomique par exemple? Ah oui, ça c'est un piège constant en paléopathologie, c'est une des premières questions que doit se poser le paléopathologiste. C'est-à-dire de savoir et de décider si ce qu'il observe relève véritablement d'un phénomène pathologique ou en fait est lié à d'autres variabilités anatomiques, comme vous l'avez dit, ou des altérations comme dit taphonomique, c'est-à-dire des altérations liées à la décomposition du corps et à l'évolution des restes humains et des ossements dans le sédiment, qui vont altérer et parfois complètement simuler, imiter des vraies pathologies. Donc ça, c'est un risque absolument constant et une des qualité du paléopathologiste, justement, c'est la prudence dans les interprétations. Il y a une histoire que je trouve assez intéressante, parce qu'on parlait de la toxoplasmose tout à l'heure. Il n'y a pas que les chats hein, qui nous ont transmis un certain nombre de pathogènes avec lesquels nous avons évolué. J'aime beaucoup cette histoire. Peut-être que vous pouvez nous en toucher un mot, Olivier Dutour, de la maladie de Carré, qui est une maladie virale du jeune chiot, qui est due à un virus proche de la rougeole. Oui, c'est une des hypothèses, effectivement, d'une transmission donc de l'animal à l'homme avec la domestication du chien notamment. Donc du loup, alors, en fait. On sait, et voilà, et on sait effectivement que au départ, les populations humaines ont trouvé intéressant de se rapprocher des petits loups et de les inclure dans leur société, et puis après en tirer des avantages, hein, parce qu'effectivement, un chien, ça peut être utilisé pour la chasse, pour également se défendre, donc il y a tout un tas d'intérêts. Et il semblerait qu'il y ait une proximité de structure virale entre le virus de la maladie de Carré et le virus de la rougeole. Et alors là, on sait que le virus de la rougeole est ce qu'on appelle une infection d'hémophile, c'est-à-dire qu'il faut des populations importantes, comme c'est une maladie immunisante, il faut plus de 200 000 personnes qui vivent dans un endroit donné pour que le virus de la rougeole se perdure et puisse donc continuer à exister. Et on suppose que c'est une des maladies donc que nous ont transmis au départ les petits loups que les populations paléolithiques supérieures ont domestiqué. Voilà, c'est un des exemples. C'est encore une hypothèse, mais qui n'est pas parfaitement démontrée pour l'instant. Et un tout dernier mot pour conclure en quelques minutes, Olivier Dutour, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. J'ai lu qu'on pouvait aussi pousser ces recherches jusqu'à de la paléo-épidémiologie. Mais là, ce qui m'étonne un peu, c'est que qui dit épidémiologie dit cohorte importante de gens pour pouvoir adresser des statistiques. Or, s'il y a bien quelque chose dont on dispose peu en général en paléontologie, c'est précisément d'un nombre d'individus suffisant. Comment, jusqu'où on peut pousser l'exercice, en fait? Alors effectivement, comme vous le dites très bien, il faut des effectifs. Et donc ces scénarios et ces reconstructions paléo-épidémiologiques qui sont extrêmement imparfaites demandent des grandes séries de populations cibles et donc des grandes séries de squelettes. Ça peut se trouver dans certains cas et à un moment donné, on a travaillé sur l'idée effectivement que l'accumulation de squelettes dans une période de temps relativement courte qui s'est produite donc notamment en cas d'infection avec des pathogènes très agressifs comme par exemple celui de la peste, pouvait fournir du matériel assez adapté à ces études paléo-épidémiologiques parce qu'on avait suffisamment de squelettes. La peste a tué beaucoup de gens, excusez-moi, dans des temps très courts, et donc on avait suffisamment de matériel, et il avait été constitué dans des espaces de temps extrêmement limités, donc on avait des espèces de clichés photographiques des populations à des instants donnés. Malheureusement, c'est surtout pour des périodes plus récentes. Et c'est dans ce type de matériel que la paléomicrobiologie est la plus efficace. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci à Olivier Dutour d'avoir été avec nous en ligne. Merci Mathieu Le Bailly. Merci à vous. D'être venu nous parler de paléopathologie. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Alexandra Delbeau, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Marie Lepeintre à la technique. Demain, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question entre autres des exoplanètes avec le prix Nobel de physique de cette année, Michel Mayer. On parlera également des lois du hasard et de la réplique de la grotte de Cosquer. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.